Le rouge et le noir. Chronique de 1830, de Stendhal. Feuilleton en 15 épisodes. Adaptation, Hélène Bleskin. Une réalisation de Michel Sidorov. 13e épisode. Dans la passion tumultueuse qui les unit, Mathilde déclare soudainement à Julien qu'elle ne l'aime plus. Désespéré, Julien se confie au prince Korasov, qui lui conseille d'ignorer superbement Mathilde pendant qu'il fera la cour à Madame de Fervaques, une des nobles dames qui ornent le salon du marquis de La Mole. Matériellement fidèle au plan de conduite dicté par le prince Korasov, chaque soir, Julien se plaçait assez près du fauteuil de Madame de Fervaques. Mais il lui était impossible de trouver un mot à dire. L'effort qu'il s'imposait pour paraître guéri aux yeux de Mathilde absorbait toutes les forces de son âme. Un jour, étonné de cette constance à se cacher d'elle, Mathilde quitta le canapé bleu et vint travailler auprès d'une petite table voisine du fauteuil de la maréchale. Julien la voyait d'assez près par-dessous le chapeau de Madame de Fervaques. Ses yeux, qui disposaient de son sort, l'effrayèrent d'abord. Ensuite, le jetèrent violemment hors de son apathie habituelle. Il parla, et fort bien. Il adressait la parole à la maréchale, mais son but unique était d'agir sur l'âme de Mathilde. Puisqu'il est d'assez mauvais goût, pour parler ainsi longtemps et avec tant de feu à Madame de Fervaques, je ne l'écouterai plus. Pendant toute la fin de cette soirée, elle tint parole, quoiqu'avec peine. Pour Julien, il avait agi, il était moins malheureux. Dans sa chambre, ses yeux tombèrent sur le portefeuille en cuir de Russie où le prince Korasov avait enfermé les 53 lettres d'amour. Julien vit en note au bas de la première lettre « On envoie la numéro 1 8 jours après la première vue. »« Je suis en retard, car il y a bien longtemps que je vois Madame de Fervaques. » Il se mit aussitôt à transcrire cette première lettre d'amour ennuyeuse à périr. Quelques heures après, le grand soleil le surprit appuyé sur sa table. Au bas de l'original, il aperçut une note au crayon. On porte les lettres soi-même, à cheval, cravate noire, redingote bleue. On remet la lettre au portier d'un air contrit, profonde mélancolie dans le regard. Si l'on aperçoit quelques femmes de chambre, essuyez ses yeux furtivement. Tout cela fut exécuté fidèlement. Le soir, Madame de Fervaques fut pour lui exactement comme si elle n'eût pas reçu la dissertation philosophique, mystique et religieuse qu'il avait remise à son portier avec tant de mélancolie. Julien s'arrangea de façon à voir les yeux de Mathilde. Elle, de son côté, un instant après l'arrivée de la maréchale, quitta le canapé bleu. C'était déserter sa société habituelle. Monsieur de Croisenois parut consterné de ce nouveau caprice. Sa douleur évidente ôta à Julien ce que son malheur avait de plus atroce. Cet imprévu le fit parler comme un ange. Et, comme l'amour-propre se glisse même dans les cœurs qui servent le temple à la vertu la plus auguste, Madame de Fervaques se dit en remontant dans sa voiture « Madame de La Mole a raison. Ce jeune prêtre a de la distinction. Il faut que les premiers jours, ma présence l'ait intimidé. Dans le fait, tout ce que l'on rencontre dans cette maison est bien léger. Ce jeune homme aura su voir la différence. » Il écrit bien, mais je crains fort que cette demande de l'éclairer de mes conseils qu'il me fait dans sa lettre ne soit au fond qu'un sentiment qui s'ignore soi-même. Toutefois, que de conversions ont ainsi commencé. Il est impossible de ne pas reconnaître de l'onction, un sérieux profond et beaucoup de conviction dans la prose de ce jeune lévite. Il aura la douce vertu de Massillon. Ainsi, l'idée d'évêché était pour la première fois mêlée avec celle de Julien dans la tête d'une femme qui, tôt ou tard, devait distribuer les plus belles places de l'Église de France. Pendant tout le temps usurpé dans la vie de Julien par l'épisode Fervaques, Mademoiselle de La Mole avait besoin de prendre sur elle pour ne pas songer à lui. Son âme était en proie à de violents combats. Quelquefois, elle se flattait de mépriser ce jeune homme si triste, mais, malgré elle, sa conversation la captivait. Ce qui l'étonnait surtout, c'était sa fausseté parfaite. Il ne disait pas un mot à la maréchale de Fervaques qui ne fût un mensonge, ou du moins un déguisement abominable de sa façon de penser, que Mathilde connaissait si parfaitement sur presque tous les sujets. Ce machiavélisme la frappait. Quelle profondeur! Quelle différence avec les nigauds emphatiques ou les fripons communs. Toutefois, Julien avait des journées affreuses. C'était pour accomplir le plus pénible des devoirs qu'il paraissait chaque jour dans le salon de la maréchale. Ses efforts pour jouer un rôle achevaient d'ôter toute force à son âme. Souvent, la nuit, en traversant la cour immense de l'hôtel de Fervaques, ce n'était qu'à force de caractère et de raisonnement qu'il parvenait à se maintenir un peu au-dessus du désespoir. J'ai vaincu le désespoir au séminaire. Pourtant, quelle affreuse perspective j'avais alors. Chaque jour, il voyait Mathilde au déjeuner et à dîner. D'après les lettres que lui dictait M. de la Mole, il la savait à la veille d'épouser M. de Croisenois. Déjà, cet aimable jeune homme paraissait deux fois par jour à l'hôtel de la Mole. L'œil jaloux d'un amant délaissé ne perdait pas une seule de ses démarches. En rentrant chez lui, Julien ne pouvait s'empêcher de regarder ses pistolets avec amour. Ah, que je serais plus sage de démarquer mon linge et d'aller dans quelque forêt solitaire finir cette exécrable vie. Ce raisonnement était fort sage. Mais le lendemain, le bras de Mathilde, entrevu entre la manche de sa robe et son gant, suffisait pour plonger notre jeune philosophe dans des souvenirs cruels et qui cependant l'attachaient à la vie. Eh bien, je suivrai jusqu'au bout cette politique russe. Comment cela finira-t-il? À l'égard de la maréchale, certes, après avoir transcrit ces 53 lettres, je n'en écrirai pas d'autres. Jusqu'au moment où elle avait vu Julien, le plus grand plaisir de Madame de Fervaques avait été d'écrire le mot « maréchal » à côté de son nom. Ensuite, une vanité de parvenue, maladive et qui s'offensait de tout, combattit un commencement d'intérêt. Il me serait facile d'en faire un grand vicaire dans quelque diocèse voisin de Paris. Mais Monsieur Sorel tout court, et encore petit secrétaire de Monsieur de la Mole, c'est désolant. Le soir, elle dit à Julien... Il faut que vous m'apportiez des enveloppes sur lesquelles il y aura votre adresse. Me voilà constitué amant valet de chambre. Un matin, à l'hôtel de la Mole, le portier apporta à Julien, dans la bibliothèque, une lettre de la maréchale. Mathilde rencontra cet homme, vit la lettre et l'adresse de l'écriture de Julien. Elle entra dans la bibliothèque. La lettre était encore sur le bord de la table. Julien, fort occupé à écrire, ne l'avait pas placée dans son tiroir. Mathilde s'en empara. Voilà ce que je ne puis souffrir. Vous m'oubliez tout à fait, moi qui suis votre épouse. Votre conduite est affreuse, monsieur. Julien aida Mathilde à s'asseoir. Elle s'abandonnait presque dans ses bras. Le premier instant où il s'aperçut de ce mouvement fut de joie extrême. Le second fut une pensée pour Korasov. Je puis tout perdre par un seul mot. Je ne dois pas même me permettre de presser contre mon cœur ce corps souple et charmant où elle me méprise et me maltraite. Quel affreux caractère! L'impassible froideur de Julien redoubla le malheur d'orgueil qui déchirait l'âme de Mademoiselle de la Mole. Il m'était réservé, malheureuse que je suis, de voir repousser les avances les plus indécentes. Et repousser par qui? C'est ce que je ne souffrirai pas! Et en se levant avec fureur, elle ouvrit le tiroir de la table de Julien. Elle resta comme glacée d'horreur en y voyant 8 ou 10 lettres non ouvertes. Ainsi, non seulement vous êtes bien avec elle, mais encore vous la méprisez. Vous, un homme de rien. Oh, pardon, mon ami. Méprise-moi si tu veux, mais aime-moi. Je ne puis plus vivre privée de ton amour. Et elle tomba tout à fait évanouie. La voilà donc, cette orgueilleuse, à mes pieds. Peu parler, peu agir. Voilà mon unique moyen de salut. Il releva Mathilde et, sans mot dire, la replaça sur le divan. Vous savez que j'ai de l'orgueil. C'est le malheur de ma position et même de mon caractère. Madame de Fervaques m'a donc enlevé votre cœur. J'ai aussi de l'orgueil. C'est probablement à cause de cet orgueil que vous m'avez distingué un instant. Je puis avoir de l'amour pour la maréchale, mais certainement je n'ai de son intérêt pour moi aucune preuve décisive. Elle m'a montré de l'indulgence. Elle m'a consolé quand on me méprisait. Ah, grand Dieu! Eh bien, Quelle garantie me donnerez-vous? Quelle garantie, quel Dieu me répondra que la position que vous semblez disposée à me rendre en cet instant vivra plus de 2 jours? L'excès de mon amour et de mon malheur si vous ne m'aimez plus. Le mouvement violent qu'elle venait de faire avait un peu déplacé sa pèlerine. Julien apercevait ses épaules charmantes. Ses cheveux un peu dérangés lui rappelèrent un souvenir délicieux. Il allait céder. Un mot imprudent, et je fais recommencer cette longue suite de journées passées dans le désespoir. Madame de Rênal trouvait des raisons pour faire ce que son cœur lui dictait. Cette jeune fille du grand monde ne laisse son cœur s'émouvoir que lorsqu'elle s'est prouvée par bonne raison qu'il doit être ému. Il vit cette vérité en un clin d'œil, et en un clin d'œil aussi, retrouva du courage. Il retira ses mains que Mathilde pressait dans les siennes et, avec un respect marqué, s'éloigna un peu d'elle. Un courage d'homme ne peut aller plus loin. Il s'occupa à réunir toutes les lettres de Madame de Fervaques. Mademoiselle de La Mole daignera me permettre de réfléchir sur tout ceci. Et il quitta la bibliothèque. Le monstre n'est point troublé. Mais que dis-je, monstre? Il est sage, prudent. Bon, c'est moi qui ai plus de tort qu'on en pourrait imaginer. Le soir, Julien sentit bien qu'il fallait absolument paraître au bouffe dans la loge de Madame de Fervaques. Par bonheur, il fut relégué près de la porte et tout à fait caché par les chapeaux. Cette position lui sauva un ridicule. Les accents divins du désespoir de Caroline dans le Matrimonio Segreto le firent fondre en larmes. Madame de Fervaques vit ses larmes. Elle en fut touchée. Avez-vous vu les dames de La Mole? Elles sont au 3e loge. Julien se pencha et vit Mathilde. Ses yeux étaient brillants de larmes. Et cependant, ce n'est pas leur jour d'opéra. Quel empressement! Julien courut dans la loge de Madame de La Mole. Mathilde pleurait sans nulle retenue. Elle posa sa main sur celle de Julien. Des garanties. Si je parle, elle ne peut plus douter de l'excès de mon émotion. Le son de ma voix me trahira. Tout peut être perdu encore. Ivre d'amour et de volupté, il prit sur lui de ne pas lui parler. C'est selon moi l'un des plus beaux traits de son caractère. Un être capable d'un tel effort sur lui-même peut aller loin. Oserais-je dire qu'en rentrant dans sa chambre, Julien couvrit de baisers les lettres d'amour données par le prince Korazov? Il savait bien que le lendemain, dès 8h du matin, Mathilde serait à la bibliothèque. Sa tête dominait son cœur. Il la trouva pâle, calme, assise sur le divan. Elle lui tendit la main. Ami, je t'ai offensé, il est vrai. Tu peux être fâché contre moi. Vous voulez des garanties? Enlevez-moi. Partons pour Londres. Je serai perdue à jamais. Déshonorée. Déshonorez-moi. C'est une garantie. Une fois en route pour Londres, une fois déshonoré, pour me servir de vos expressions, qui me répond que vous m'aimerez? Pouvez-vous vous répondre à vous-même que vous m'aimerez 8 jours? Je suis donc tout à fait indigne de vous. Julien l'embrassa, mais à l'instant, la main de fer du devoir saisit son cœur. Si elle voit combien je l'adore, je la perds. Ils recommencèrent à se voir et à s'aimer. Ce jour-là et les suivants, il sut cacher l'excès de sa félicité. Dans d'autres instants, le délire du bonheur l'emportait sur tous les conseils de la prudence. C'était auprès d'un berceau de chèvrefeuille disposé pour cacher l'échelle dans le jardin qu'il avait coutume d'aller se placer pour regarder de loin la persienne de Mathilde et pleurer son inconstance. Passant avec elle dans ce même lieu qui lui rappelait si vivement l'excès de son malheur, des larmes inondèrent ses yeux, et portant à ses lèvres la main de son ami, il dit: « Ici, je vivais en pensant à vous. Ici, je regardais cette persienne. J'attendais des heures entières le moment fortuné où je verrais cette main l'ouvrir. Que fais-je, grand Dieu ? Je me perds. Qu'avez-vous donc, mon ami ? Je mens. Et je mens à vous. Vous m'aimez, vous m'êtes dévoué et je n'ai pas besoin de faire des phrases pour vous plaire. Ce sont des phrases que tout ce que vous me dites de ravissant depuis 10 minutes. Je viens donc de tomber à mon insu dans quelque action qui vous aura déplu. Un voyageur anglais raconte l'intimité où il vivait avec un tigre. Il l'avait élevé et le caressait, mais toujours sur sa table tenait un pistolet armé. Julien ne s'abandonnait à l'excès de son bonheur que dans les instants où Mathilde ne pouvait en lire l'expression dans ses yeux. Il s'acquittait avec exactitude du devoir de lui dire de temps à autre quelques mots durs. Pour la première fois, Mathilde aima. Elle se trouva enceinte et la prit avec joie à Julien. Maintenant, douterez-vous de moi ? N'est-ce pas une garantie ? Je suis votre épouse à jamais. Cette annonce frappa Julien d'un étonnement profond. Comment être volontairement froid et offensant envers cette pauvre jeune fille qui se perd pour moi ? Je veux écrire à mon père. C'est plus qu'un père pour moi, c'est un ami. Mais s'il me chassera avec ignominie ? C'est son droit, il faut le respecter. Je vous donnerai le bras et nous sortirons par la porte cochère, en plein midi. Julien la pria de différer d'une semaine. Le mardi fatal arriva bien vite. À minuit, le marquis trouva une lettre. « Mon père, tous les liens sociaux sont rompus entre nous. Il ne reste plus que ceux de la nature. Après mon mari, vous êtes et serez toujours l'être qui me sera le plus cher. Mes yeux se remplissent de larmes. Je songe à la peine que je vous cause. Mais pour que ma honte ne soit pas publique, pour vous laisser le temps de délibérer et d'agir, je n'ai pu différer plus longtemps l'aveu que je vous dois. Si votre amitié, que je sais être extrême pour moi, veut m'accorder une petite pension, j'irai m'établir où vous voudrez, en Suisse par exemple, avec mon mari. Son nom est tellement obscur que personne ne reconnaîtra votre fille dans Madame Sorel, belle-fille d'un charpentier de Verrières. Voilà ce nom qui m'a fait tant de peine à écrire. Je redoute pour Julien votre colère, si juste en apparence. Je ne serai pas duchesse, mon père. Mais je le savais en l'aimant. Car c'est moi qui l'ai aimé la première, c'est moi qui l'ai séduit. Mathilde, qui savait que le marquis était un homme tout de premier mouvement, avait écrit 8 pages. Que faire, se disait Julien, en se promenant à minuit dans le jardin pendant que Monsieur de la Mole lisait cette lettre. Où est premièrement mon devoir ? Deuxièmement, mon intérêt. Ce que je lui dois est immense. Il m'a fait homme du monde. Je lui dois cette croix de chevalier. S'il tenait la plume pour prescrire ma conduite, qu'est-ce qu'il écrirait ? Julien fut brusquement interrompu par le vieux valet de chambre de Monsieur de la Mole. Le marquis vous demande à l'instant, vêtu ou non vêtu. Monsieur le marquis est hors de lui. Prenez garde à vous. Julien trouva le marquis furieux. Je ne suis pas un ange. Je vous ai bien servi. Vous m'avez payé avec générosité. J'étais reconnaissant, mais j'ai 22 ans. Dans cette maison, ma pensée n'était comprise que de vous et de cette personne aimable. Monstre ! Aimable ? Aimable ! Le jour où vous l'avez trouvé aimable, vous deviez fuir. Je l'ai tenté. Alors, je vous demandais de partir pour le Languedoc. Le marquis, dompté par la douleur, se jeta dans un fauteuil. Ce n'est point là un méchant homme. Julien tomba à ses genoux. Non. Je ne le suis pas pour vous. Quoi ? Ma fille s'appellera Madame Sorel ? Quoi, ma fille ? Elle ne sera pas duchesse. Il fallait fuir, monsieur. Votre devoir était de fuir. Vous êtes le dernier des hommes. Julien s'approcha de la table et écrivit. De Depuis longtemps, la ville est insupportable. J'y mets un terme. Je prie, monsieur le marquis, d'agréer, avec l'expression d'une reconnaissance sans borne, mes excuses de l'embarras que ma mort dans son hôtel peut causer. Tuez-moi. Ou faites-moi tuer par votre valet de chambre. Il est 1h du matin. Je vais me promener au jardin, vers le mur du fond. Allez à tous les diables. Qui me tue, à la bonne heure. C'est une satisfaction que je lui offre. Mais parbleu, j'aime la vie. Je me dois à mon fils. Il me faut des conseils pour me conduire avec cet homme fougueux. Hélas, il ne me reste que le sombre abbé Pirard. Son esprit est rétréci par le jansénisme. Il est capable de me battre au seul énoncé du crime. Eh bien, j'irai me confesser à lui. Le lendemain, de très grand matin, Julien était à plusieurs lieues de Paris, frappant à la porte du sévère janséniste. J'ai peut-être des reproches à me faire. J'avais cru deviner cet amour. Mon amitié pour vous, petit malheureux, m'a empêché d'avertir le père. À Paris, Mathilde était au désespoir. Elle avait vu son père vers les 7 heures. Il lui avait montré la lettre de Julien. S'il est mort, je mourrai. C'est vous qui serez cause de sa mort. Vous vous en réjouirez peut-être. Mais je le jure à ses mânes. D'abord, je prendrai le deuil et serai publiquement Madame Veuve Sorel. J'enverrai mes billets de faire part. Vous ne me trouverez ni pusillanime, ni lâche. Son amour allait jusqu'à la folie. À son tour, Monsieur de la Mole fut interdit. Il commença à voir les événements avec quelque raison. Au déjeuner, Mathilde ne parut point. Le marquis fut délivré d'un poids immense et surtout flatté quand il s'aperçut qu'elle n'avait rien dit à sa mère. Vers les midi, Julien arriva. Mathilde le fit appeler. Elle lui apprit qu'elle avait vu sa lettre de suicide. Mon père peut se raviser. Faites-moi plaisir de partir à l'instant pour Villequier. Remontez à cheval et sortez de l'hôtel. Tu sais bien que ce n'est pas volontairement que je me sépare de toi. Écris sous le couvert de ma femme de chambre. Que l'adresse soit d'une main étrangère. Moi, je t'écrirai des volumes. Adieu. Fuis. Ce dernier mot blessa Julien. Il obéit cependant. Il est fatal que même dans les meilleurs moments, ces gens-là trouvent le secret de me choquer. C'était « Le rouge et le noir », chronique de 1830, de Stendhal. Feuilleton en 15 épisodes. Adaptation Hélène Bleskin. 13e épisode. Avec Simon Duprez, le narrateur. Damien Zanoli, Julien Sorel. Loïc Pichon, l'abbé Pirard. Marc-Henri Boisse, le marquis de la Mole. Delphine Equet, Mathilde de la Mole. Marie-Armelle Deguy, Madame de Fervac. Jean-Paul Dubois, le vieux valet de chambre. Bruitage, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour, Emmanuel Armingue. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Michel Sidoroff.